désert me parle. Il connaît mon nom et il murmure les guerres passées, les secrets des vers sous la roche. Le sable est vivant, le silence est un piège, mais je vois chaque pan en surface pèse une trahison. Les espions du ciel traquent ma foi. J'avance sous les lunes jumelles, le frémant que je suis ne recule pas. On a brûlé nos doutes sous les sables, nos prières gravées dans les lames, le sel sur la peau, le sang dans l'œil. Je n'ai plus peur du destin. Je suis né du sable et du feu, ma voix porte les chants anciens. Riders qui élèvent les tempêtes et l'ennemi s'effondre sans bruit. Le sable immortel nous unit, les esprits dansent sous mes pieds. La transu du désert m'envahit, je suis là. Dans le silence, mais c'est l'homme qui porte l'en danger. Les ai vus tomber un à un, trop confiant, trop haut perché. Ma foi n'est pas lumière, elle est ombre, elle est poison. Une main posée sur le cœur pendant que l'autre égorge. Je suis né du sable et du feu, ma voix porte les chants anciens. Riders qui lèvent les tempêtes et l'ennemi s'effondre sans bruit. Le sable immortel nous unit, les esprits dansent sous mes pieds. La transe du désert m'envahit, je suis là. Le vers s'élève, le silence explose. Je tends la main vers les cieux et je n'attends plus de sauveur. Riders qui n'est pas un nom, c'est un rite, un pacte, un ras de sable. Je suis né du sable et du feu, ma voix porte les chants anciens. Riders qui lèvent les tempêtes et l'ennemi s'effondre sans bruit. Le sable immortel nous unit, les esprits dansent sous mes pieds. La transe du désert m'envahit, je suis l'arme. Le désert ne ment pas, il punit ceux qui doutent et bénit ceux qui regardent la mort dans les yeux.